toutes et à tous, vous êtes sur Radio Guémozo, branché au 107 FM et vous êtes les bienvenus. Je suis ravie de vous retrouver dans la bulle avec mon invité, Micheline Faliguero. Micheline, bonjour. Bonjour Lia. Comment ça va ? Ça va très bien, je suis contente d'être ici. Eh ben c'est super, nous aussi on est contente que vous soyez ici. Alors vous nous faites le plaisir de nous annoncer l'arrivée de votre nouvel ouvrage, Le Petit Saut Bleu. D'accord, oui, hein, c'est ça. Avec, donc ça s'est préparé, ce nouvel ouvrage, avec la classe de grande section de maternelle de Sapois. Exactement, j'étais allée il y a déjà quelques temps quand même, raconter une histoire qui figure dans mon premier livre pour enfants qui s'appelle Les Contes de la Baleine. D'accord. Les Contes de la Baleine, c'était à partir de listes de mots que j'avais demandé à mes petits-enfants. Ah. J'avais donc cette liste, j'ai écrit cette belle histoire. Je me suis entourée d'amis qui font de l'aquarelle pour l'illustrer. Et donc, oui, j'étais allée à Sapois raconter une histoire. Waouh, super. Alors, cette fois-ci aussi, il est illustré, hein, ce livre, des illustrations de Delphine Franzoya. J'espère que j'aurais bien prononcé oui, son nom. Oui, c'est Delphine Franzoya. Ouf. C'est une toute jeune illustratrice. On a eu son adresse, enfin ses coordonnées, par un couple qui était venu nous trouver, un couple tout simple qui était venu nous trouver à une dédicace et qui nous dit on a une fille qui vient d'avoir son diplôme d'illustratrice, il faudrait bien qu'elle trouve du travail. Mmh. Et j'ai donc pris contact avec Delphine qui habite Angoulême. Ah bah c'est super. Et ça, le pays des BD, Angoulême. Ah oui, enfin, c'est vrai. Oui, c'est oui vrai. Enfin, cette, je ne sais pas, c'est son lieu d'habitation. Et d'accord. On est passé la voir, on a sympathisé et depuis on est parti pour faire route ensemble. Oh, ça c'est chouette ça. Elle travaille très très bien. Donc ce ne sera pas le dernier ouvrage qu'elle illustrera. Non, on en a déjà un autre en cours. Ah, alors ça ne s'arrête jamais. Alors vous aimez beaucoup les enfants parce que vous étiez avant institutrice, hein, c'est oui, bien ça ? Oui, j'étais pendant 37 ans et demi. Institutrice, maîtresse d'école, comme on disait à l'époque, oui, et j'aime mieux ce mot-là. C'est vrai. Et j'ai eu pratiquement tout le temps des enfants d'âge maternel SCP réunis. Ah, d'accord. Voilà, donc le monde des petits-enfants, ça me connaît, je ah les bah aime oui, beaucoup, bien sûr. Hein. Alors, comment ça s'est un petit peu organisé, justement, avec cette classe de maternelle pour arriver à cet ouvrage ? Alors, donc, je leur ai raconté une histoire qui est dans mon livre, l'histoire de Pierre. Oui. Et je leur ai fait comprendre, je leur ai fait deviner comment j'avais pu écrire cette histoire, c'est-à-dire à partir de mots, de 5 ou 6 mots que Pierre m'avait donné et que j'ai transformé en une histoire qui n'est pas sa vie à lui, hein, mais qui est une histoire, un conte, quelque chose que l'on peut donc raconter, mais qui n'est pas, surtout pas un conte de fées, parce que mes petits-enfants sont des enfants très tournés vers la nature. Donc, les enfants de la maternelle, à leur tour, m'ont donné des mots. Et avec ces mots, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Il y avait le mot saut, le petit saut. C'était vraiment surprenant, une petite fille. Des noms d'animaux sauvages. Et puis, un prénom. Je ne sais même plus si c'est les enfants qui me les ont donnés ou si c'est moi qui les choisis, parce que j'en ai fait plusieurs avec Rose. Donc, Rose est une petite fille. Et donc là, je suis partie avec l'idée de faire une histoire. Je revenais de la Guadeloupe, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne mettrais pas ma petite rose guadeloupéenne avec le teint un petit peu bronzé, avec les cheveux frisés. Et j'ai donc écrit une histoire qui se passait dans la forêt tropicale de la Guadeloupe, enfin, et même dans le village aussi, dans le petit village où elle habite. C'est et super. Donc, j'ai envoyé cette histoire-là à la maîtresse qui a été enchantée, mais qui a fait le même travail avec ses élèves. C'est-à-dire qu'elle a, elle aussi, avec sa classe, créé un conte qu'elle a situé en Afrique. Je trouve presque que c'était plus judicieux parce que le lion et tous ces animaux-là sont plus africains que guadeloupéens. Mais enfin, c'est un conte. Hein, et ben voilà. Et donc, c'est comme ça que je suis partie sur à me dire, mais il faudrait bien que j'en fasse quelque chose de cette histoire-là. Oui. Donc, j'avais une adresse d'illustratrice. J'ai rencontré au livre sur la place à Nancy un monsieur qui se disait éditeur pour enfants, qui avait en plus un intérêt très particulier parce qu'il adore les enfants. Il ne fait pas seulement éditer l'édition des livres, il fait des animations avec sa guitare où il raconte les histoires qui sont dans les livres dans des parties de fêtes pour les enfants. Et puis, en plus, il construit de lui-même, enfin, il fait tout ça. Il construit par lui-même des structures en bois pour mettre dans les parcs ou dans les cours d'école. Donc, c'est un garçon assez original, mais je trouve que ça lui donne le poids de le prendre pour éditeur parce qu'il aime vraiment les enfants. Il s'appelle Michel Kiefer. Son édition, c'est MK67 parce qu'il habite Rhinau, c'est un peu au sud de Strasbourg. Donc, MK comme Michel Kiefer, 67 comme le département. Eh ben voilà. Voilà. Et donc, on a sympathisé sur le salon. Le lendemain, je n'ai pas manqué de lui renvoyer des messages pour voir s'il m'avait oublié. Et on est parti pour ce genre de travail. Ah ben c'est super, ça. Donc, voilà. Et tout était réuni pour pouvoir faire un beau petit livre pour enfants. Ah ben super. Là, vous vous faites éditer cette fois-ci donc pour le petit saut bleu. Oui, c'est lui qui l'a édité. Oui. Hein, c'est maintenant le premier, Les Contes de la Baleine, je l'avais fait en auto-édition avec un imprimeur. Cette fois-ci, on est parti, on a déjà le sujet pour une autre histoire par l'éditeur MK67, la maison d'édition MK67. C'est plus agréable de se faire, de trouver un éditeur en plus avec qui on s'entend très très bien, avec qui on partage les mêmes idées. Oui, c'est très agréable. Il y a une confiance qui s'installe. Il a d'emblée, moi, la grand-mère de 77 ans et lui qui doit avoir dans les 40 ans, on se tutoie, on se dit franchement ce qu'on a à se dire, c'est très intéressant. Ben, c'est et bien. Puis, il sort d'une famille d'enseignants, son épouse est enseignante. D'accord. Je trouve qu'il a le sens de ce qu'il faut pour les enfants. Et ce qu'il édite, lui, ne correspond pas forcément à ce qu'on trouve en ce moment en édition pour les enfants. D'accord. Il ne court pas la gloire et le fric, si on peut le dire comme ça. Oui, voilà. Oui, oui. Il est très intéressant. Ah bah tant mieux. Et puis là, c'est donc une nouvelle aventure pour vous avec ce nouvel éditeur pour votre petit sceau bleu et tous les autres qui s'en suivront. Oui, j'ai pas dit tout à l'heure. Ah bah si, je l'ai dit tout à l'heure que la maîtresse Valérie a fait aussi elle son album. C'est vraiment le travail des enfants, des grandes feuilles avec des illustrations. À la limite, on pourrait éditer avec les dessins d'enfants. Ce serait génial. Justement, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que les illustrations sont tirées des dessins de certains enfants ou encore pas cette fois-ci? Là, c'était vraiment le travail de l'illustratrice. Non, là, c'est le travail de Delphine Franzoya. C'est elle qui a vu à sa façon. Voilà. Ça m'a même fait évoluer dans mon texte parce que... Oui, oui, oui. Elle m'avait donné, par exemple, l'idée... elle part avec son petit saut bleu dans la forêt et elle rencontre donc différents animaux. Elle a sa réaction. Moi, je me suis aventurée à vouloir qu'elle n'ait pas, que cette petite rose n'ait pas peur des animaux. C'est une bonne chose à leur mettre dans la tête. On leur a tellement fait peur du loup, par exemple. Bah, c'est vrai. Donc, et elle me dit, mais à la fin, on pourrait mettre la petite fille qui revient sur son cheval de bois, et non pas sur un vrai cheval, et que ses peluches, ses jouets, le lion, enfin tous les animaux qui font partie de son rêve, restent là sur le pré pour montrer qu'on est bien passé de la vie de la petite fille le matin dans son jardin, puis son jeu dans la forêt, son jeu, son imagination, et qui revient à la réalité sur son petit cheval de bois. Ah bah ça, c'est chouette, ça, c'est tout l'univers justement de l'enfant. Oui. Hein, de passer de l'imaginaire à la réalité. Voilà, c'est comme ça que je l'ai vu, et ça me plaît bien. Quoi, ah bah, c'est sûr. Est-ce que les enfants ont lu déjà Le Petit Saut Bleu, les enfants qui ont participé? Non, on doit y aller bientôt. Ah. On doit aller, je les laisse, la maîtresse, et donc la maîtresse actuelle de la grande section est celle qui a les enfants que j'ai eus pour faire mon livre, veulent me rencontrer, bah oui, veulent que je vienne revoir, retrouver contact avec la classe, mais ce sera après les vacances scolaires. Ah bah ouais. Elles sont bien occupées, je les comprends, les maîtresses. Hein. J'imagine, on les embrasse, on les remercie pour tout ce qu'elles font. Oui. C'est quoi la différence quand on met en place un ouvrage pour les enfants? Et j'imagine que c'est pas du tout la même ambiance que quand on écrit un roman plutôt destiné aux adultes. Oui, mais j'ai toujours eu envie d'écrire pour les enfants. Je pourrais même dire que en fin de carrière de maîtresse de CEP en particulier, j'avais ma méthode de lecture à moi. C'est-à-dire que je ne prenais aucune méthode, disons, officielle. Je mettais le jour de la rentrée 4 lignes au tableau. C'était le début d'une histoire que j'inventais au fur et à mesure du temps qui passe. C'est arrivé en janvier, il commençait à savoir lire, avec une histoire dont il voyait petit à petit les événements se dérouler. Et puis, c'est à partir d'une méthode qui n'est ni syllabique ni globale. C'est une méthode phonétique. D'accord. Hein. Et donc, à la fin de l'année, il y avait beaucoup de tableaux de phonétique tout autour de la classe, mais c'était ma façon de faire. Et j'ai toujours aimé ce genre-là. Bon, j'aime aussi beaucoup tout ce qui est historique. Oui. Et le premier livre que j'ai fait, c'était à partir d'un fait historique de la guerre de 39-45, un soldat qui est natif des Pyrénées-Atlantiques et qui était venu se faire tuer à sa poix, donc toujours ce sa poix là. Ben oui. Et donc j'aime ça. Donc et j'ai aussi en fait été correspondante de l'Est républicain pendant 30 ans au moins. Et j'ai aussi appris à aimer les gens, les rencontres, les témoignages. Donc dans ma personne, il y a deux choses. Il y a les textes pour enfants, parce que ce fut mon métier, que je pense que même dans Le Petit Saut Bleu, dans Les Contes de la Baleine, il y a quelque chose à apprendre en plus. D'accord. De l'histoire pour se distraire. Mais j'ai les autres livres qui sont donc différents, partent du fait de toujours des rencontres. J'aime bien que tout soit vrai dans ce genre de livre-là. Donc c'est tout à fait autre chose, mais ça me plaît beaucoup aussi parce que c'est une façon de faire de l'histoire. Et puis l'avant-dernier, donc avant Le Petit Saut Bleu, j'ai un livre qui s'appelle L'Offensé gardé de rencontre. Bien sûr, on vous a reçu. C'est des rencontres, et des rencontres qui sont très très intéressantes, qui montrent beaucoup la valeur des petites gens, mais qui aussi resituent toutes ces personnes-là dans un contexte géographique, historique, enfin bref. Une passionnée. Je ne peux m'intéresser finalement qu'à la vie des gens, des petits comme des grands. Ah bah c'est tellement beau. On aurait tous voulu avoir une maîtresse comme vous Micheline. Je ne sais pas. Ah si, c'est sûr. Je ne sais pas, ceux que je rencontre maintenant, que je ne reconnais plus tellement, ils ont changé, grandi. ils viennent quand même de temps en temps me faire la mise. Ah bah c'est sûr. Et tu veux que je te dise, toi ? Tu me plais. Comment tu t'appelles ? Mowgli. Et il va immédiatement aller au village des hommes. Comment au village des hommes ? Ils vont le gâcher. Ils vont faire de lui un homme. Oh, Balou, je veux rester ici avec toi. Ouais, tu parles que tu restes. Oh, et de quelle façon crois-tu qu'il arrivera à survivre ? De quelle façon il va survivre ? Qu'est-ce que ça veut dire ? De quelle façon je... Il est avec moi, n'est-ce pas ? Et je vais lui apprendre tout ce que je sais. Eh bien, oh, ça sera vite fait. Écoute. Écoute ce que je vais te dire, mon petit bonhomme. Tout ce que tu as à savoir, c'est que... Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons. Et toute la jungle et ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux. Tu manges des fourmis ? Ah, tu peux me croire. Tu verras, c'est fameux, ça vous chatouille, hein ? Mowgli, attention ! Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux. Mais oui ! Pour être heureux. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. Cueillir une banane, oui, ça se fait sans astuce. Mais c'est tout un drame, si c'est un cactus. Si vous chipez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins bon. Alors petit, as-tu compris ? Oui, merci Balou. Oh, c'est pas vrai. Jamais j'ai entendu de telles stupidités. Alors viens toi, et en cadence. Oh. Hein, il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Pour être heureux ? Pour être heureux. Mais si tu profitais de ce que tu es là-haut pour me gratter un peu l'épaule droite, hein ? Gratte, oh, un poil plus bas, oui, c'est ça, c'est ça. Oh, oh, que c'est bon, Mowgli. Oh, que c'est bon. On va se servir d'un arbre et un gros, ça me démange trop. Ce que t'es drôle, Balou. Ah, c'est ça. Ah oui. Ah, ah ça fait du bien. Ah. Encore un peu. Miap. Oh mon Dieu, ce que c'est bon de vivre. Essaie, et détends-toi. Oui, rafraîchis-toi. Mets-toi à l'aise. Viens sur mon ventre. Et laisse-moi te dire une chose, petit frère. Si tu travailles comme cette abeille, tu te rendras malade. Ne gâche pas ton temps pour l'impossible. Et si tu peux le trouver, alors tant mieux pour toi. Et tu verras que tout est résolu lorsque l'on se passe des choses superflues. Alors tu ne t'en fais plus. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux. Ah, ah j'abandonne. Espérons que ça va durer. Mowgli, si tu chantais avec moi. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis. Youpi. Prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. Ouais, et vous serez un ours très bien léché. Vous êtes sur Radio Guimauzo 107 FM. Aujourd'hui, on parle avec Micheline Faliguero de son nouvel ouvrage, Le Petit Seau Bleu. On voit déjà qu'à l'école, hein, vous écriviez des histoires. Est-ce que vous en écriviez déjà des romans, des ouvrages à cette époque-là de maîtresse ? Ou est-ce que c'est venu après ? Disons qu'il y avait quand même le métier qui prenait la plus grande part des choses. Donc avec l'école, je me suis cantonnée à ce genre d'écrit pour une méthode de lecture. Mais c'est à la retraite que j'ai commencé à avoir du temps. Pendant que j'étais encore institutrice, j'avais aussi l'Est républicain, correspondance de presse. Oui. Donc, en fait, j'ai toujours un peu écrit. Hein. Oui. Il y a des fois, je me demande si ce n'est pas un truc qui m'est venu dans la tête très jeune. Oui. Je me rappelle que mes parents, mon père, qui n'était pas bien riche, m'envoyait régulièrement, mais pas tous les jours, chercher le journal. Ah. Donc... Ça, c'est un monde qui m'a interpellée. Hein. Ça, c'est chouette. Le monde des mots, c'est un monde très subtil et plein de messages par rapport à la personne qui va lire. Il y aura peut-être un message différent qui sera interprété. Oui. Hein ? Ah oui, ça, oui. Oui, mais j'étais surprise que pour les livres qui sont, disons, de rencontres, j'ai un peu toutes sortes de lecteurs. Hein. Oui. J'ai des jeunes comme des... Jeunes. Des moins jeunes, voilà. Alors, on en parlait tout à l'heure dans Le Petit Saut Bleu. Vous disiez qu'il y a quelque chose à comprendre au-delà de l'histoire. Est-ce qu'il y a un message qu'on fait passer là? Alors, ce que j'ai voulu faire passer justement dans ce message, dans ce livre-là, c'est qu'il ne faut pas avoir peur des animaux. Ah, d'accord. Ils ont leur vie, les enfants ont leur vie. Ça peut être merveilleux. C'est peut-être aussi un peu un regard sur la nature. Oui. Hein, j'avais demandé à Delphine de bien faire attention. J'avais mis des noms d'arbres de la Guadeloupe, vrais. Et elle m'a fait vraiment les silhouettes des racines ou des branches et des fleurs. Elle m'a fait ça vraiment dans la réalité. Donc, c'est un peu une forme d'incitation à bien regarder la nature. Observer. Là, je pense que si le livre va dans une école, par exemple, la maîtresse pourra inciter à regarder, à se renseigner sur les arbres, sur leur nom, sur le pays où ils poussent, enfin, j'allais dire où ils vivent, c'est vrai, c'est juste ils vivent quand même. Aussi. Voilà. Eh ben oui, donc observons ce qu'il y a autour de nous et la nature. Et puis laissons les enfants rêver un petit peu. Bah ça, c'est vrai, ça. Plus avec des jouets, des peluches. Je suis en train de faire... j'ai fait une histoire sur une petite fille qui m'avait donné, qui s'appelle Adélie, et qui m'avait donné comme mot une licorne volante et un lapin doudou. Alors, je suis partie sur sur une histoire qui met le lapin doudou sur le dos de la licorne volante et qui part vers la terre d'Adélie. Ah. Alors ça permet quand même de montrer des paysages différents, ça permet de montrer aussi des peuples différents. Je parle des hommes bleus, par exemple. Ah oui, hein. Oui, donc, voilà, donc je pense que je ne peux pas m'empêcher d'être un peu pédagogue. Et puis en même temps, j'espère que ça fait rêver. Ben ça oui. Plaît. La petite Adélie, sa maman, j'ai soumis le texte à la maman. Et puis, elle me dit tous les soirs, j'en raconte un petit bout. Ah oui. Et un petit bout tous les soirs. Donc, ça fait déjà quelques mois que ça dure, ça. Bah, dis donc, quelle imagination en plus. Enfin, on part de quelques mots pour en raconter une histoire. Et ça, c'est chouette quand même. C'est un vrai don. Ça permet de rêver. Ça me permet peut-être de retrouver un petit peu mon âme d'enfant. Ah bah oui. Et bon, moi, quand j'étais petite, le livre n'était pas à la maison. Hein. On n'était pas assez riches. Non. On était vraiment trop des paysans, ouvriers paysans, oui. Pour avoir des livres. Ça a toujours été un petit peu mon rêve, les livres. Ah oui. Et là, c'est sûr que... Quel aboutissement. C'est sûr que maintenant, à la maison, on a beaucoup de livres. même si on a la médiathèque à Vannier qui est superbe, oui, qui mérite qu'on la visite et qu'on y fréquente, j'ai beaucoup de livres qu'on m'a offerts ou que je m'achète et que mon mari, c'est pareil. Hein, bah oui. C'est des vraies œuvres, voilà. C'est des vrais objets vraiment affectifs, les livres. Ah, oui, hein, oui, oui. Moi, je crois que là, je ne pourrais pas m'astreindre à lire un livre, oui, sur une tablette. Oui, voilà. Mmh. C'est j'ai même renoncé. À un moment, je lisais des manuscrits d'une maison, oui, qui fait lire les manuscrits et qui sélectionne pour ceux qui seront publiés. Mais à partir du moment où on ne m'a plus envoyé le manuscrit papier, je ne l'ai plus fait. Je trouve que ça tourne au commercial. Ça perd son âme. Voilà. Oui, alors hein, oui, un beau livre avec une bonne couverture. Ah oui, avec... quand même. Puis on le touche, on le sent, l'odeur des pages, c'est quand même quelque chose. Oui, et puis de temps en temps, quand j'en ai un qui est dédicacé, là, je le mets encore de côté parce que oui, ça, j'en fais une collection un petit peu. Alors comment ça vous est venu cet amour des livres justement? Parce que vous disiez qu'à la maison, quand vous étiez petite, il n'y en avait pas. Je crois que c'est au collège. Au collège, la principale du collège, à l'époque on disait la directrice, elle nous emmenait à la bibliothèque pour choisir un livre. Un jour, je n'ai pas su quoi lui trouver. Elle m'a sorti Le Petit Prince. Alors, je l'ai regardé en lui disant c'est pour les gosses. Enfin, j'étais collégienne, j'avais 12 ans, quoi. Elle m'a dit non, il faut que tu lises ça. Eh oui. Et donc c'est le livre que je préfère. Ah bah oui. De tout ce que j'ai pu lire. Il y a aussi, je pense qu'il y a quand même. Donc c'était ma principale de collège qui m'a incité à lire, à profiter de la bibliothèque. Oui. Mais je crois que tout le monde peut faire ça. Offrir un livre à un enfant. Je sais que mes petits enfants, ils étaient à la maternité encore, qu'ils avaient leur premier livre. Ah oui. Et c'est incroyable. Hein, ils sont tous lecteurs. Tous. Et je me souviens justement de Pierre, dont je parlais tout à l'heure. Il avait 3 ans, quelque chose comme ça. J'avais commencé une collection qui s'appelait Caillou. Un petit bonhomme avec la tête, oui, toute ronde. Donc, un jour, il me prend par la main. Il m'emmène vers le placard où je rangeais mes livres. Je lui montre ce qui me restait. Il les regarde tous, et puis il repart en faisant en haussant les épaules. Je n'avais plus de cailloux. Mince. Mais donc, ils sont tous lecteurs et ils ont tous eu envie de. Ils ont continué leurs études, ils continuent encore leurs études. Ah oui. Oui, moi je pense que c'est une chose à faire. Importante. Premier cadeau à la maternité. Et les mamans me disaient, mais il faudra bientôt nous acheter le meuble pour les ranger. Mais bon, là, c'est pas faux. Alors, on parlait de vos différents ouvrages. J'ai eu l'impression qu'à chaque fois, quand vous écriviez une histoire, vous soumettiez le texte à la personne, la personne dont vous étiez inspirée. Oui, alors c'est important, là, oui, pour tout ce qui est pour l'offensé, pour le monde de biscotte, ça s'est toujours produit que je rencontre une personne avec qui je me mets à discuter, oui, avec qui je semble bien m'entendre, et puis enfin, qui elle me perçoit bien. Donc, au bout de quelques discussions, je lui propose, je lui dis, tiens, j'écrirai bien sur quelque chose sur vous. Alors là, automatiquement, je fais un texte brut, oui, là où je mets vraiment ce que les gens m'ont dit et je leur donne. Parce que là, ils ont vraiment la réaction face à ce qui risque d'être publié. Et oui. Donc là, ils me disent oui, ils me disent non, ils me disent que ça, il ne faudrait pas le dire ou des choses comme ça. Et ça m'est arrivé, surtout pour ce deuxième, pour l'offensé, de changer totalement les noms, les lieux, pour que l'histoire en soi, pour que les faits racontés soient authentique, mais dissimulé. Et oui. Et ça, c'est très important. C'est un respect des gens. Oui, c'est le respect de leur bout d'histoire, quand même. Oui, et puis c'est une forme d'amitié qui s'est créée, qu'il ne faut pas gâcher. Oui. J'ai presque du mal maintenant à suivre, à donner des nouvelles ou à redemander des nouvelles à ces gens-là, parce qu'ils sont nombreux. Oui. Et puis que moi, je suis tout très occupée. Mais bon, ça fait la richesse de la vie, ça. Ah bah oui, et puis il y aura un lien. La richesse de la vie, je trouve que c'est fabuleux. Bah oui, ça c'est important. Et puis il y a un lien qui ne se ternira jamais. Hein. Vous avez écrit un bout de leur histoire, oui, et ça s'oublie pas. J'ai reçu deux personnes différentes, enfin un coup de téléphone et un message pour m'annoncer que Gracieuse, donc une personne que j'avais rencontrée dans les Pyrénées, dans un petit village des Pyrénées, elle était décédée. Les gens ont pensé à me dire oui. Gracieuse est décédée. Je trouve que c'est quand même des liens qui se tissent. Et ça, c'est sûr. Vous êtes sur Radio Guimauzo 107FM. Aujourd'hui, on parle avec Micheline Faliguero de son nouvel ouvrage, Le Petit Saut Bleu. Où est-ce qu'on peut trouver cet ouvrage si on veut se le procurer pour soi-même, ses enfants, d'abord, ses amis? Chez moi, parce que pour encourager ce jeune éditeur, oui. Je lui en ai acheté une quantité. D'accord, bah oui. Il faudrait aussi le demander à... J'ai averti tous les bons libraires indépendants des Vosges qui me connaissent, je leur ai dit, j'ai un nouveau livre. Il faudrait que ces libraires-là puissent le procurer auprès de l'éditeur. D'accord. MK67. Et il suffit aussi quand même de chercher sur le site de MK67, www.mk67.eu. D'accord. Pour commander un livre à Michel Kiefer. Voilà. Ou alors directement chez vous, on vous appelle, oui, on vous envoie un message. Chez moi, un coup de téléphone. Je vais être dans pas mal de dédicaces. Hein, pour la, j'ai oublié de dire que ce livre-là, oui. Il est transformé en kamishibai. Alors. C'est-à-dire que Michel Kiefer a tiré en plus grand les illustrations du livre, et il m'a offert, et il en a chez lui aussi, il m'a offert un petit castelet dans lequel je glisse les images, enfin je les place une par une, ce qui permet de faire un petit spectacle aux enfants. D'accord. Qui me permet de leur laisser prendre le temps et des détails de l'histoire, de l'image, et puis oui. En même temps j'ai derrière le texte, moi, donc ça me permet de raconter l'histoire. Ça s'appelle Akamishibai, c'est la mode, ouais. Il y en a beaucoup, oui. Dans les médiathèques maintenant. Je crois que celle de Vanier va en avoir. voilà. Donc, plusieurs salons du livre à venir, on vous retrouve alors donc, pour les familles à venir, au moins, ne serait-ce qu'écouter une histoire avec leurs enfants. Je suis à nous au moment de la Toussaint, je crois que c'est le premier ou le 2 novembre. D'accord. Et puis beaucoup de marchés de Noël à Vittel, à Cornimont. Tous les week-ends, je serai à un marché de Noël. D'accord. Pour proposer des beaux petits cadeaux pour les enfants. Ah bah oui, quand même. Surtout qu'il n'est pas hors de prix, ce livre. Hein. Dites-nous. Il coûte 12 euros. D'accord. C'est un beau livre cartonné. C'est vrai qu'il est très beau. C'est pas un livre à jeter une fois qu'il a été manipulé. Hein. Il est très très beau, je l'ai devant les yeux et je vous assure que c'est vrai. Si on veut retrouver les informations sur là où vous vous trouverez bientôt, etc., on peut aller directement sur votre page Facebook. Comment ? Votre page Facebook. Votre page Facebook. Bien sûr, bien sûr. Oui, je ne suis pas très au courant de ce genre de choses, oui. Mais je le suis quand même. Et là, j'ai eu une invitation, par exemple, d'un animateur du TIO qui m'a déjà invité pour la fête des beignets râpés, ou je peut-être. Sais plus, à le TIO vers le 20 juin. Voilà. Super. Il y a un site internet aussi directement où vous pourrez retrouver tous les ouvrages de Micheline. C'est www.michelinefaliguero.fr. On remettra tous ces liens avec le podcast de cette émission d'aujourd'hui. Micheline, est-ce qu'on a envie de rajouter quelque chose ? Ben, que je remercie beaucoup Radio Guémozé. Ben, c'est nous. J'aime bien venir ici. Je suis venue à chaque fois et je ne manquerai pas de revenir une autre fois si on m'accepte. Ah ben, on vous acceptera avec plaisir, Micheline. Et puis, j'ai beaucoup aimé. C'était Mickey ? Non, comment ? Mika ? Mika, oui, et puis j'aime beaucoup l'IA aussi, donc voilà. On transmettra le message à Mika. On se trouve dans un monde de sympathie. Hein. Oui. Et c'est très agréable. Et ben voilà, super. Très beau message de Micheline. Merci beaucoup Micheline d'être venue aujourd'hui nous voir. N'hésitez pas à aller sur sa page Facebook Micheline Faliguero ou sur son site internet pour retrouver toutes les informations dont on vient de vous parler aujourd'hui. On vous souhaite une très très belle journée. Et puis en attendant, bah c'est comme tous les jours, hein. Et c'est bonheur, joie et rire à tous. Your neck. Your neck. Your neck. Your neck. Your neck.